Les 7 jours des réjouissances sont passés comme une féerie. Une à une, les familles s'en vont, emportées à dos d'âne, de chevaux ou de dromadaires, dans la blancheur des haïks, l'encombrement des corbeilles bourrées, des costumes de fête et de pâtisserie. Au loin s'entendent les dernières notes de la chanson du départ. Restez, restez sur le bonheur. Nous, nous nous en allons. La date des régimes est douce à la bouche et brûlante au gosier. Peut-on dire adieu sans un regret à 7 jours et 7 nuits passées dans les festins et les orchestres? La grande maison reprend son air de mystère, avec ses jets d'eau qui susurrent au milieu des arcades sonores et le scintillement de ses mosaïques dans une demi-ombre. Diden est le plus heureux des époux. Durant ces 7 jours, il a eu le loisir de savourer comme un filtre la beauté parfaite et les pures qualités de sa femme. Sa femme. Il a fallu l'affection d'une mère, et d'une mère comme la Lagoussum, pour choisir à ce fils une vraie Arusa, au corps de volupté, à l'âme profonde, capable de satisfaire son cœur d'adolescent et son esprit de Taleb cultivé. L'amour qui naît du mariage est le seul puissant. L'autre ne laisse après lui qu'amertume. Et là-haut, dans la chambre somptueuse, Diden s'abandonne à l'ivresse toute neuve des étreintes permises. Allongé sur un divan de Damas, la tête sur les genoux de sa jeune épouse, il goûte un bonheur intime, au milieu de la fièvre des sens qui empourpre ses joues, à lui conter 1000 choses très sérieuses, certaines légendes découvertes sous la poussière des manuscrits andalous, la vie de haute figure musulmane, où la passion sans tâche inspira l'héroïsme au combat, le dévouement à la science ou les grands actes de charité. Et il se laisse aller à la caresse des mains longues qui passent et repassent dans ses cheveux bouclés. Sidi, toi tu es un arif et moi je... Le mot meurt sur les lèvres de Zulika. Ah, si ce n'était le terrible témoin de cette dada! La vieille négresse se tient là, en un coin de la chambre, braquant sur les époux un œil sévère, de crainte que, dans un élan fou, Diden n'oublie le rite sacré qui lui interdit de posséder à nouveau sa femme avant que les 7 jours soient écoulés. Les 7 jours ont passé. Le jour du bain de la mariée tant attendu est enfin là. Zulika se dispose à se rendre au hammam avec ses belles-sœurs et des amis de son âge. C'est aussi jour de sortie pour Diden. Afin de calmer son impatience, il va descendre à Tlemcen faire un tour dans les rues fraîches, sous les platanes, prendre des nouvelles de la chère petite cité, comme c'est le devoir d'un bon musulman. Il entrera faire une visite à ses amis les talebs de la Médersa, recevra la bénédiction de son vieux maître, écoutera chanter quelques sourates du livre de Dieu. Et il remontera dès le coucher du soleil, après avoir acheté pour sa femme le cadeau traditionnel du soir du bain. Le gourmand Diden se promet une heure délicieuse de flânerie par la ville, avec la pensée d'une seconde nuit d'amour enfin permise dans les bras de son épouse parfumée. Midi. La vallée dort sous un ciel d'airain. Pas une âme sur la longue route du marabout, dont les sapins sont immobiles et les pierres brûlantes. Le visage contre la lucarne de son gourbi, ses doigts maigres agrippés au barreau, Aïcha se tenait suspendue, le corps là, l'œil alourdi par la chaleur et la fièvre. Elle dressait le cou anxieuse. Elle attendait. Elle savait qu'aujourd'hui était son jour de sortie et que tout à l'heure, il allait passer sur la route. Après qu'elle avait maudit le traître jusqu'à la mort, après qu'elle l'avait repoussé comme le sang de ses dents, elle était revenue à des sentiments de douceur et d'indulgence. Elle pensait bien que son ami d'enfance ne pouvait pas l'avoir trahi de son propre gré, qu'il avait dû obéir à la volonté de ses parents dans ce mariage, qu'un fils de Sidi est après tout l'esclave des convenances du harem, et elle lui pardonnait. Il ne désirait qu'une chose, le revoir et qu'il lui dise « Aïcha, tu es toujours dans mon cœur. Auprès d'une autre femme, fût-elle la houri des jardins, je serais toujours pantelant. » Et elle se consolerait, elle guérirait. Elle n'avait pu tenir sur son grabat jusqu'à midi. Aussitôt qu'elle avait vu le soleil dépasser le seuil du gourbi, elle s'était traînée sur ses genoux. Le cœur haletant, la gorge sèche, elle était parvenue à se hisser au grillage de la lucarne. Il y avait plus d'une heure qu'elle attendait ainsi, lorsque Diden sortit de sa maison. Oh, l'instant béni pour la pauvre malade! Des larmes de joie vinrent à ses yeux. Enfin, elle avait assez vécu pour revoir le bey à la face de bonheur. Diden, magnifique dans ses habits de noces, rasé de frais, la chéchale légèrement inclinée sous l'oreille gauche, descendit le petit sentier qui dévalait de leur demeure sur sa route. Sa démarche était celle d'un homme heureux. Toute sa personne respirait la félicité. Il fredonnait assez haut quelque chose comme le refrain de noces. « Prends ce que Dieu t'envoie, ô fils des heureux !» Il traversa le petit bois ombreux, passa près de la fontaine sans paraître avoir vu l'un et l'autre. Il allait droit devant lui, occupé visiblement d'une pensée unique, son bonheur légitime, le seul véritable, sa femme qu'il retrouverait ce soir étincelante du bain de l'amour. Comme il arrivait en face du gourbi, il leva les yeux. Le cœur d'Aïcha cessa de battre. Elle crut qu'il allait appeler. Dans un dernier effort, elle se crispa toute. Elle avança le cou en dehors de la lucarne. « Diden, mon frère !» Mais lui avait déjà rabaissé les yeux et hâté le pas vers la ville. Elle le regarda s'éloigner sur la route. Sa poitrine cuisait sous la douleur. Les jambes lui fléchirent. Elle s'affaissa sur le petit grabat de maïs comme un morceau de pâte. Au même instant, des yo-yo éclatèrent. L'air s'emplit de chansons et de joyeux appels. C'était la mariée qui se rendait au bain avec ses compagnes. Les lalades sortaient à leur tour, se répandaient sur le chemin. Au loin, elle riait, bavardait gaiement, avançait en entourant la mariée des mille taquineries flatteuses que ce jour exige. Elles passèrent tout près du gourbi. On entendit à travers le mur de tout le froufrou de leurs costumes et le cliquetis de leurs bijoux. Mais Sawada, qui rentrait à ce moment courbé sous un énorme paquet d'ouvrages, eut un soupir. « Hey !» murmura-t-elle, « les ans ont le cœur sur une date, les autres ont le cœur sur une braise. »« Maman, » dit Aïcha, « donne-moi un bol de tisane. »« Pourquoi, ma fille, tu veux dormir en plein jour ?»« Maman, donne-moi un bol de tisane. » Maman lui prépara un fenjal, plein de têtes de pavot et de chevilles noires, comme chaque soir, lorsqu'elle voulait briser les nerfs de sa fille et la forcer au sommeil. Sous le prompt effet du narcotique, au milieu de la chaleur dont rayonnaient les minces parois de la cabane, Aïcha et tout son désespoir sombrèrent dans un abîme. Elle s'endormit. Ouamam, cependant, la mariée est assise demi-nue dans une foutadore sur un guêpe de cuivre renversé. Dada lui jette de l'eau de rose tiédie avec une tasse d'argent. Ses cheveux dénoués tombent en un lourd burnou autour de ses épaules, et ses compagnes de l'aduler, de la chanter toujours plus belle. « Je te lave la tête !» Et je te lance des you-you, je te montre aux amis avec orgueil ce que Dieu t'a fait. » Et toujours des négresses qui apportent sur des plateaux damasquinés les pâtisseries au miel, les galettes au sucre et les tranches de gâteau mousseline, et les boissons rafraîchissantes dans des bocaux de verre colorés. Et les souhaits de bonheur pleuvent sur la mariée et sur son sidi magnifique. La vapeur chaude monte sous le dôme de verre. Des suintements percent au pied des murs et le long des colonnades. Les tasses des négresses se heurtent avec un bruit sourd. Un orchestre s'entend, invisible, comme du haut de quelques nuages enchantés. Bientôt, les grandes foutas de Tunis pailletées d'or apparaissent, drapant les beaux corps qui ruissellent. Les you-you s'accentuent. On suit la mariée à la chambre du repos où des guirlandes de jasmin sont distribuées, tandis que l'on va parer pour le retour. 5 heures. Dans le gourbi où Aïcha vient de s'éveiller passe un peu de fraîcheur. Aïcha lève la tête, soulagée par ce long sommeil. Elle cherche à se redresser. Elle veut gagner de nouveau la petite lucarne. C'est l'heure où la mariée sort du bain. « Je veux la voir passer, » dit-elle à sa mère. Et de nouveau, la voilà suspendue au barreau de fer, les cheveux en désordre, les traits convulsés, elle attend le retour du bain. Mais, ô fatalité, au lieu de la mariée, ce fut Diden encore qu'elle aperçut soudain, là-bas, remontant la route du marabout. Il marchait vite. Ses burnous flottaient à la brise. Il avait hâte de regagner la maison de l'amour, où, croyait-il, sans doute, sa femme l'attendait déjà. Ses bras étaient chargés de nombreux paquets noués par des faveurs. Un paquet, entre autres, se reconnaissait, et Aïcha le reconnut aussitôt, de loin, à son papier jaune et rigide, le papier du droguiste marocain de la place du Méchoir. Il contenait les précieuses bougies multicolores qui, selon l'usage, devait brûler cette nuit autour de la veilleuse, dans la chambre des époux. À cette vue, Aïcha retint un cri de détresse. Elle sentit sa douleur plus cuisante que jamais. Qu'allait-elle faire? La rage grondait en elle. Une jalousie féroce secouait ses entrailles. Son sang de béduine cria vengeance. Son œil s'alluma. Ce feu qui brûlait son corps, il fallait à la fin qu'elle l'éteignît. Didienne avait rejoint sa maison. Il disparut derrière la lourde porte, dont les clous de cuivre brillèrent ce soir d'un miroitement narquois. Mais déjà Aïcha était sur le seuil de son gourbi. Elle atteignait péniblement la lisière du petit bois. Enveloppée de son voile, elle venait s'appuyer contre le dôme de la fontaine. Elle cachait ses mains derrière le dos. Sa poitrine se soulevait à intervalles comme dans des sanglots étouffés. Elle attendit. L'air frais du soir se faisait humide. Le soleil déclinait par-delà les cyprès. Le bruit des sources relâchées commençait à s'entendre du haut des moulins, parmi les rocs de la colline. Il n'y avait personne autour de la fontaine. Toute la tribu était allée saluer la mariée à la sortie du hammam. Elle n'attendit pas longtemps. Au bas de la route, elle vit serpenter le grand ruban blanc des femmes qui revenaient du bain. Bientôt passèrent devant elle les négresses qui portaient sur leur tête les costumes de rechange de ces bienheureuses. Elles poussaient les you-you de retour en battant de leurs grosses mains. Elles marchaient à grands pas pour aller préparer à leur maîtresse les matelas du repos, tandis que celle-ci arrivait sans hâte, de cette démarche majestueuse qui, chez les orientales, indique toute une série de convenances. Dès qu'Aïcha les vit s'approcher, elle retourna l'arme qu'elle tenait entre les mains. La lame du yatagan fit une entaille à son voile. C'était ce yatagan dont son père s'était servi, il y avait 5 ans, pour défendre son petit bien. La mariée apparut au milieu de ses compagnes. Son costume n'était pas différent du leur. Le costume de ville entièrement blanc. Dans l'air du soir s'exhalait cette odeur de hammam si particulière, odeur de vapeur, de hike neuf et de teinture de toute espèce. La jalousie de nouveau rongea la bédouine. Son âme pleura de haine. Enfin, elle allait frapper à ce bonheur insolent. Elle allait crever le cœur de Didène comme il avait crevé son cœur à elle, pauvre isolé. C'est qu'elle l'imaginait bien là-haut, dans sa chambre luxueuse, étendue sur son sofa de velours et rêvant de sa femme, tandis qu'au chevet du lit nuptial brillaient déjà les bougies sacrées. « Tu l'auras morte !» jura la bédouine. Elle se préparait à porter à sa rivale un coup terrible, là, entre les épaules, et la laisserait gisant dans son sang comme elle-même gisait dans sa souffrance. Mais alors que vit-elle ? Sa rivale qui se détachait du groupe de ses compagnes et qui franchement s'avançait vers elle, sa rivale, la mariée, la femme de Didène. Elle, venait à elle, elle se portait avec assurance au-devant du danger. « Que me veut-elle ? » pensa Aïcha. « A-t-elle su que j'allais lui faire du mal ? Est-elle une vraie sainte, comme on le disait, qu'elle ait pu lire dans mon cœur ?» Aïcha eut peur. Elle eut peur de cette femme qui arrivait d'un pas si confiant, sans la moindre inquiétude sur le visage. « Elle sait, » pensa la bédouine superstitieuse, « elle sait tout. » Elle lâcha son yatagan, s'écroula à terre pour le dissimuler dans son voile, elle claquait des dents. Elle levait déjà les bras pour demander pardon. La belle mariée s'était arrêtée devant elle. À distance, elle avait pris Aïcha pour quelques mesquinades des routes de Sidi Bou Médine. Et la fille des marabouts n'oubliait pas l'aumône du soir du bain. Elle tirait de son corsage une piécette d'or toute parfumée. Lorsqu'elle s'aperçut que la mendiante était une belle jeune fille aux traits pleins de grâce, et qu'elle venait de s'affaisser au pied de la fontaine, pâlie, toute grelottante, la Lazulika réintégra son aumône. Elle lui tendit seulement la main. Aïcha fit un mouvement pour fuir. Puis son regard rencontra celui de la Lazulika. Les beaux yeux verts frangés de cils noirs la retinrent. Il y avait en eux tant de bonté sincère, tant de douceur à pitoyer, qu'elle n'eut plus peur soudain. « Qu'as-tu ? » lui disait cependant la mariée. « Tu es malade ? Et pourquoi restes-tu là si tard dans le soir humide ?» En même temps, elle passa une de ses mains sur le front glacé de la bédouine. « Pourquoi ? Pourquoi une gazelle comme toi t'ont-ils oublié sur les chemins ? Dis-moi, fille de nos pères, tes parents, où sont-ils ? Dorment-ils ? Où ? S'ils sont morts, qu'Allah leur accorde le pardon. » Aïcha avait baissé la tête. Elle n'osait prononcer une parole. Elle avait honte de sa gandoura des pauvres, honte de son voile usé, honte de ses cheveux en désordre. Elle se sentait toute mesquine devant la fille des marabouts, au maintien et au langage si noble, à la voix ensorceleuse. Elle comprenait à ce seul contact combien elle avait été loin de mériter, elle, ce nom de l'Allah du harem. Elle inclinait le front de plus en plus. Elle ne saurait rien répondre à cette femme. La Lazulika, toujours plus douce, tentait de nouvelles questions. Et comme Aïcha restait toujours sans répondre, timide et souffreteuse, elle n'hésita pas. Elle souleva son lourd serroual immaculé et s'assit auprès d'elle. Les femmes de sa suite, qui s'étaient arrêtées sur la route pour l'attendre, s'écrièrent « Hé, la mariée, le soleil se couche et l'homme doit être à la maison. »« Oui, oui, » leur répondit Zuleika, « je ne vais point tarder. » Avec le pardon de Dieu, mes sœurs, devancez-moi. » Elles n'osèrent pas contrarier la fille des marabouts. La laissant à sa charité, les Lalates s'éloignèrent vers la maison. Et voici que la fille des marabouts, sans le savoir, par cette seule réponse, venait de verser un baume sur la jalousie de la bédouine. Ainsi, elle n'était point pressée d'aller vers l'amour qui l'appelait. Elle s'attardait avec tant de sollicitude auprès d'une miséreuse. Elle était si calme, lorsque l'impatience du bonheur eut dû la rendre fébrile. Aïcha sentait bien qu'à sa place, elle aurait oublié sa mère. Lorsqu'elles furent seules, la Lazulika lui passa un bras autour du cou et la regardant dans les yeux, plus pressante. « Dis-moi, que faisais-tu là toute seule au coucher du soleil? Une jeune fille de ton âge ?» Aïcha se sentait gagnée malgré elle par la chaleur de cette étreinte, par la douceur de cette voix. Elle balbutia. J'attendais, moi aussi. Je voulais voir passer la mariée. » Un sourire satisfait éclaira le visage de la fille des marabouts. « Que Dieu te grandisse et qu'il approche ton tour, » souhaita-t-elle à la bédouine. « Et maintenant que tu m'as vue, tu vas rentrer. L'air fraîchit. Tu t'appuieras à mon bras, si tu ne peux aller seule, et je t'accompagnerai jusqu'au seuil de ta maison. Non, non, que Dieu te remercie, Lala. Tu peux t'en aller tranquille. Je vais rentrer tout de suite. « Seul, comme je suis venu. Va, ne t'attarde plus. C'est ton soir de bain. »« Je ne suis pas pressé, » insista Zuleika. « Allons, viens, petite mère, que je t'accompagne. » « Oh, cette parole, je ne suis pas pressé. » Et ce mot d'affection extrême, petite mère. Et Aïcha avait voulu tuer cette femme. Elle recula soudain comme à l'approche d'une vipère. Sa jambe venait de frôler la lame du yatagan. « Non, » s'écria-t-elle, « non, laisse-moi dans mon malheur. » Que Dieu préserve, que Dieu éloigne. » Et la Lazulika attira contre son cœur la tête de l'infortunée. Et c'était touchant, cette mariée de 14 ans, dans sa compassion inépuisable pour une rivale plus âgée qu'elle. Aïcha ferma les yeux. Une rougeur couvrit son front. Elle était une maudite. Cette rivale était une sœur. Dans son sein parfumé, elle enfouit son visage et à corps perdu, elle sanglota. Pleure, pleure, ma fille. Que ton cœur se rafraîchisse. Mais la jeunesse est en toi, et Dieu arrangera ta chance. » Elle lui écarta les cheveux qui s'embroussaillaient autour de ses tempes. Le premier baiser du bain de noces qu'elle devait à l'époux, les lèvres pures de Zuleika, la déposèrent sur le front d'une désolée. Quand l'ombre vint, toute la colère, toute la haine de la bédouine contre l'épouse de son amie d'enfance était tombée. Elle n'était plus qu'une petite chose brisée au bras de cette femme, qui l'entraînait sous les cyprès de la route, la protégeait avec son haïk de soie contre l'humidité traîtresse des soirs africains.